sur la plage tous les plaisirs de l'été. Avec leur joie venait à moi de tous côtés. L'amour offrait l'éternité à cette image de la plage ensoleillée. Dommage, mais les amours de l'été bien trop souvent craignent les vents en liberté. Mon cœur cherchant sa vérité plage désertée. Le sable et l'océan, tout est en place. De tous nos jeux pourtant, je perds la trace. Le temps, le cœur content reprend ses droits. À l'horizon s'offre pour moi mieux qu'un mirage, une plage retrouvée. Mieux qu'un mirage, c'est la plage.